jouissime, donne envie d'arrêter la musique. Ma muse peine, la haine muse, plus rien ne m'amuse, plus rien ne m'amuse. Des fois je plane à 10 000 mètres, des fois une balle en pleine tête. Maîtrée, j'ai pas de courage, peut-être. Ma rage m'aveugle et tous les humains parasitent mon âme. Mon sang dans mes yeux, mon corps dans les flammes. Dans les flammes de mes satires, de mes ratures. Si j'attire le poids de la tristesse, c'est déjà dur quand le stress sature. Tout va trop vite, le monde évolue sans m'attendre. Et quand je m'attends, ris devant un couple heureux, je pense à me pendre, on se dépense à prendre. La connerie des autres, oublier ses fautes, reculer et descendre les codes. Mais c'est ma pensée, j'en évoque une parcelle. Je parle pas de ma vie de chien, je m'en bats de celle des autres à part celle des miens. Tu crois me connaître, je reviens une dernière fois, frappé comme une comète, choqué en étant honnête. Et Six, tu me connaissais sur nature de l'erreur. Parole d'honneur, je reviens une dernière fois, frapper les cœurs. 666 cicatrices, mes lumières et la vérité comme à travers un prisme. Quelques psaumes de plus pour que mon rap sonne fat et choc grave en restant correct. Quelques psaumes de plus qu'on dit c'est encore checks. Bah moi je vous emmerde, moi c'est direct. Quelques psaumes de plus pour que mon rap sonne fat et choc grave en restant correct. Quelques psaumes sans strass, nouvel opus, ma puce entre égo de l'épée triste. J'trace mon débit, un flow, les mots se mêlent. Pour que ça fasse mal, j'tourne un saumon par semaine. Pourquoi tu braques, man? Ici c'est le traquenard. Là où les putes et les wax mam, on s'en fout le braquemar. Les massagistes en boîte en concert. S'ils font des boîtes, faut pas que je massagiste dans ce concert. Ok, c'est ancré, j'suis entré en osmose. Avec le son sur n'importe quel BPM, ressens mon cosmos. Moi j'ai trop d'adversaires, mon rap versaire. À défaire, c'est ma haine, mes nerfs et mes vers. Donc j'arrête pas de verser des phases et faire ça. Du printemps à l'hiver, ça jamais faire ça. J'évite les lapsus, j'rappe sur ce beat, sur The One. Parfois j'suis absurde, mais j't'assure. Tu veux du rap profond, parce que trop fond du son de caille. Au fond, tu veux du rap dur, durable. Tu veux que je frappe, moi ça me gêne aussi. Les crimes de l'histoire, les génocides. Les pays mal gérés, la France a génocide. Si je peux me permettre, on permute du mal au bien. Dieu le permute aussi, devient le pur maître. Quelques psaumes de plus. Pour que mon rap sonne fat et choc grave en restant correct. Quelques psaumes de plus, qu'on dit c'est encore checks. Bah moi je vous emmerde, moi c'est direct. Quelques psaumes de plus, pour que mon rap sonne fat et choc grave en restant correct. Quelques psaumes sans strass, nouvel opus, ma plus entre égo de l'épée triste. J'trace quelques psaumes de plus, pour que mon rap sonne fat et choc grave en restant correct. Quelques psaumes de plus, qu'on dit c'est encore checks. Bah moi je vous emmerde, moi c'est direct. Quelques psaumes de plus. Mon rap sonne, fat et choc grave en restant correct. Quelques psaumes sans strass, nouvel opus, ma puce entre égo de l'épée d'aime triste. J'trace. Quelques psaumes de plus. Mon rap sonne, fat et choc grave en restant correct. Quelques psaumes de plus, qu'on dit c'est encore checks. Bah moi je vous emmerde, moi c'est direct. Quelques psaumes de plus, pour que mon rap sonne, fat et choc grave en restant correct. Quelques psaumes sans strass, nouvel opus, ma puce entre égo de l'épée d'aime triste. J'trace. Bah ouais, c'est que son mic, tu le sais. Hein, on présente SM pour ma clique, ah. DS Labo. Ouais, man, remonte le niveau. Quelques psaumes de plus. Quelques psaumes sans strass, tu sais. C'est que son mic, gars. Je viens une dernière fois, choquer les bacs, gars.